La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger, on peut faire... C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Rendez-vous sur sfr.fr. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la disparition du navigateur Alain Colas. Vendée Globe, Solitaire du Figaro, Transat et Jacques Vabre, Route du Rhum, pour beaucoup le nom de ces courses mythiques est devenu familier. On assiste au départ de ces bateaux ultramodernes, on suit l'avancée de la compétition en direct à la télé ou sur internet, on retient le nom et le visage des grands vainqueurs. Depuis 30 ans, la voile s'est installée parmi les événements sportifs qui comptent. Mais il fut un temps où tout voilier, peu importe sa taille ou sa forme, pouvait participer et où les navigateurs étaient souvent perçus comme des aventuriers un peu fous. Pas encore des sportifs confirmés qu'ils étaient pourtant. Cette ère des pionniers, des personnalités l'ont incarné et parmi elles, Alain Colas. Le navigateur a disparu le 16 novembre 1978 au cœur de l'océan Atlantique en pleine course. D'un seul coup, silence radio. Lui et son célèbre bateau Manureva n'ont jamais été retrouvés. En 10 ans seulement, parce qu'il avait un talent incroyable et un sacré sens de la communication, Alain Colas a fait entrer la voile dans la modernité. Une révolution qui a bousculé ce milieu et qui a écrit au passage la légende d'un marin. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Jean-François Colas, le frère d'Alain Colas, qui l'a accompagné durant toute sa carrière. Il est en direct d'Auxerre, dans les studios de France Bleu du même nom que nous remercions pour leur accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui David Federman. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. « 17 juin 1972, Plymouth. Sur le port de la ville britannique, les badauds se pressent pour assister au départ de l'une des plus grandes courses maritimes du monde, la Transat anglaise. » Fondée 12 ans auparavant par le Royal Western Yacht Club et sponsorisée par le journal Observer, cette course en solitaire se déroule tous les 4 ans. D'est en ouest, depuis Plymouth à Newport aux États-Unis, les concurrents traversent l'Atlantique contre les vents dominants et face à des dépressions parfois terribles, difficultés qui ont fait la réputation de la course. Pour cette édition, si plus de 50 bateaux sont inscrits au départ, l'un d'eux capte toute l'attention. Il s'appelle Vendredi 13. Cet immense monocoque de 3 mâts est barré par Jean-Yves Terlin. Il fait figure de grand favori. Dans la baie de Plymouth, sur la ligne de départ, le voilier impressionne même les autres concurrents. Sauf un, peut-être. Un jeune marin qui croit dur comme fer en ses chances. Il a 29 ans, des roues flaquettes qui seront bientôt célèbres, le verbe haut et des rêves de grandeur, il s'appelle Alain Colas. Le record, c'est plus de 3 semaines, c'est 26 jours. Et moi, 3000 milles, dans l'océan Indien, je les ai torchés en 12 jours et 14 heures. Mon bateau, ça fait 3 ans que je vis à bord, ça fait 80 000 km que je passe dessus, c'est le prolongement de moi-même. Il fait partie de moi, ou je fais partie de lui, si vous voulez. Je le connais. On se connaît, je sais ce qu'il vaut, je sais ce que je peux faire avec lui, je sais jusqu'où je peux aller et après jusqu'où il ne faut plus continuer. Le bateau d'Alain Colas, spécialiste et amateur, le connaissent bien. Et pour cause, Penduit 4, ce trimaran de 21 mètres en forme d'araignée tout en aluminium avec sa coque centrale et ses deux flotteurs, c'est l'ancien bateau d'Éric Tabarly. Le vieux loup des mers, premier français à avoir remporté la Transat anglaise en 1964, décoré de la Légion d'honneur dans la foulée, est la grande vedette nationale de la course à la voile. C'est avec lui que les Français ont commencé à s'intéresser à la discipline. Lors de la dernière édition de la Transat anglaise en 1968, il a fait construire Penduit 4 pour tenter un doublé inédit, mais une collision précoce l'a obligé à abandonner. Endetté, il n'a pas pu s'inscrire à cette édition 1972 et il a vendu son bateau à Alain Colas, précisément son ancien équipier. Le 17 juin 1972, Alain Colas, Jean-Yves Terlin et les autres navigateurs s'élancent. Les jours s'enchaînent, Jean-Yves Terlin, avec son Vendredi 13, prend rapidement les devants de la course. Le temps est plutôt clément, alors on passe les Açores. Une dépression agite les bateaux, certes, mais Terlin tient ses moyennes et garde ses poursuivants à distance. C'est un temps où les balises Argos n'existent pas. Les marins sont seuls, perdus au cœur de l'océan. Seuls, la radio peut parfois leur permettre de communiquer entre eux ou avec la Terre. De son côté, Alain Colas résiste, le Penduit 4 glisse bien sur l'eau et tient bon face aux intempéries. Et c'est au 10e jour de course qu'un événement retentissant se produit. C'est Terlin. Alors là, c'est pas croyable. Je peux pas me tromper, il y en a pas 36 des bateaux comme celui-là. En plein milieu de l'Atlantique. Mais les deux bateaux les plus extrêmes de l'épreuve qui se retrouvent. Mais c'est même pas pensable. Jamais vu dans toute l'histoire de la voile. C'est pas croyable. Et je le remonte. Oh là là là là. J'en refais tout mon retard, j'arrive dessus plein pot. Comme souvent, c'est dans cet espace rare entre le rêve et la réalité que se bâtissent les légendes. Ce jour-là, au bon milieu de l'océan Atlantique, c'est celle d'Alain Colas qu'on commence à écrire. Les deux bateaux se croisent. Alain Colas hésite un peu, il ne sait pas trop quoi faire. Il finit par lever le bras et agite lentement la main en guise de salut amical. Terlin lui répond, les deux le savent, c'est fait. Alain Colas file vers la victoire. Il arrive à Newport le 8 juillet 1972, après 20 jours, 13 heures et 15 minutes de traversée, record de l'épreuve, pulvérisé. C'est la première fois que Multicoque remporte la transat anglaise. 4 ans après, Alain Colas offre sa revanche au Penduit 4 de son ancien capitaine, Éric Tabarly. À Newport, le vainqueur est interviewé et les Français découvrent le style Colas. Chaque fois que j'ai eu froid, que j'ai eu mal aux mains, que j'ai eu des doutes sur ma bonne position dans la course, que j'étais coincé dans des calmes plats ou à me battre sur le pont avec la toile folle quand il fallait la réduire dans les coups de vent, à chaque fois je me disais, Colas, une transat, ça se mérite. La transat, c'est se mettre dans l'eau, une eau qui doit faire 10-12 degrés pour réparer son pilotage automatique, passer une demi-heure sous la flotte. Une transat, c'est sortir la tripe. Le Morvandio flottant. L'avantage des surnoms, c'est qu'en quelques mots, ils contiennent toute une histoire. Celui d'Alain Colas traduit cette origine en forme d'oxymore, un marin de la montagne, enfin la petite montagne. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez aucune racine du côté de La Rochelle, encore moins à la Trinité-sur-Mer ou dans le golfe du Morbihan, la Mecque des navigateurs français, non. C'est à Clamecy, un petit bourg de la Nièvre, sur les bords de l'Yonne, qu'Alain Colas est né le 16 septembre 1943. Un terrien devenu marin par le plus grand des hasards. En effet, à la fin de l'année 65, alors étudiant à la Sorbonne, à Paris, il décide de changer d'air. Il postule pour une place de maître de conférence en Australie. Il n'a aucun diplôme adéquat, sa candidature est donc logiquement refusée. Le 11 janvier 1966, il embarque quand même sur un cargo pour l'autre bout du monde. Obstiné, il finit par obtenir un poste en littérature française à Sydney. Entraîné par quelques collègues, il commence alors à naviguer. Et là, c'est le coup de foudre. Il dévore des dizaines d'ouvrages sur l'histoire et les techniques de la voile. Alain Colas se passionne pour ce sport et ses mystères. Rapidement à l'étroit dans la baie de Sydney, il se fait embaucher comme cuisinier sur des embarcations qui partent au large. Puis il fait une rencontre décisive. En 67, Éric Tabarly est venu disputer la course Sydney Hobart, qui est l'une des grandes classiques de la compétition de haute mer à l'échelon mondial. Et Eric m'a proposé de me joindre à eux, d'étoffer un peu l'équipage pour une croisière en Nouvelle-Calédonie. J'ai mis sac à bord immédiatement. Et là-bas, en Nouvelle-Calédonie, nous nous sommes fait prendre dans un cyclone. Et un cyclone, c'est quelque chose de très difficile à décrire. C'est quelque chose de monstrueux qui vous rend tout petit. On est presque à la merci de ces éléments monstrueux. C'est un déchaînement. Même encore maintenant, parfois la nuit, je revois des images de cette épreuve. Et on s'en est sorti. Eric nous en a sorti. Penduit 3 bateau, fantastique, nous en a sorti. Et bien sûr, ce sont les choses qui rapprochent. Et quand je suis rentré en France, peu après, eh bien, tout naturellement, j'ai retrouvé place à bord des Penduit. Certainement le grand tournant de ma vie. Les terres australes sont donc les terres de deux révélations pour le jeune Colas. Une passion et la passion d'un homme. Aux côtés de Tabarly et de son équipe constituée de baroudeurs des mers comme Olivier de Kersauzon, Pierre Anglish, Colas observe et apprend, vite et bien. La personnalité du jeune homme surprend les Bretons, plutôt discrets, taiseux. Lyrique et passionné, Alain Colas, lui, s'enthousiasme pour cette nouvelle vie remplie d'aventures. De retour en France, en plein mai 68, il quitte rapidement les événements parisiens pour rejoindre l'Orient et reprendre sa place au sein de l'équipage de Tabarly. Ensemble, ils parcourent les mers du monde entier, accumulent les milles au large et battent des records de vitesse. Surtout, il aide à la conception et la construction du nouveau bateau de Tabarly, le Penguin 4. En 1970, avec ses maigres économies de maître de conférence, plus le soutien de sa famille à Clamcy, il rachète le bateau de son mentor. Pour assumer les traites au fil de ses voyages et de ses traversées, il s'improvise journaliste en quelque sorte. Il écrit des articles, prend des photos et filme ses périples. Pendant 2 ans, il prend en main Penguin 4. Il réussit notamment l'exploit de le ramener en solitaire de Tahiti jusqu'en métropole. Et puis, sa victoire de 1972 sur la transat anglaise consacre sa nouvelle vie à Alain Colas et désormais un marin. Bon voyage pour le Manu Reva et son équipage. Hip, hip, hurrahé! Hip, hip, hurrahé! Hip, hip, hurrahé! Saint-Malo, 8 septembre 1973. Alain Colas se lance dans un nouveau défi. Le tour du monde par les trois caps, en solitaire et en multicoque. Un trajet qui passe par le mythique Cap Horn et sa légende noire. Ses eaux glaciales du sud ont englouti nombre de marins et d'embarcations. Pour l'occasion, il retape complètement Penguin 4. Il le capornise, comme il dit, et le rebaptise Manu Reva, l'oiseau du voyage en tahitien. Le fils Colas enterre le père, Tabarly. Au fil de son périple, Alain Colas ne cesse de battre des records. Ainsi, il rallie Sydney, sa seule et unique escale, en 79 jours, un temps exceptionnel. Il reprend la mer, passe le Cap Horn, où ses proches perdent son contact pendant plusieurs semaines. Finalement, le 28 mars 1974, à Saint-Malo, il boucle la boucle en 169 jours, record battu de 32 jours. À nouveau, c'est la première fois qu'une telle performance est réalisée avec un multicoque. L'exploit est absolument fabuleux. Alain Colas est sur le toit du monde. La transat, j'ai le record à 150 000 par jour. Là, je viens de faire le 30 000 milles, 10 fois plus, à 172 ou 13 ou 15 000 par jour, je ne sais plus. Et cette dernière semaine, alors? Oh, c'était pénible. Et surtout, ça faisait attendre ma famille, mes amis. Mais dans la moyenne générale, c'est une goutte d'eau. Qu'est-ce que c'est qu'une semaine sur 6 mois de mer? Vous faites l'intention de faire le tour de l'Angleterre l'été prochain? On arrive en marche, hein? Ah oui, oh, mon frère. Dégagez l'escalier, voyons. J'aimerais bien faire ça avec mon frère, oui. Ce départ de Saint-Malo, le port historique pour entamer son tour du monde, et puis le Cap Horn, autant de marqueurs qui apportent la preuve qu'il appartient bien à la famille des marins, lui, le terrien. Mais pour cette quête, il lui reste une étape importante, essentielle à tout homme de la mer, construire son bateau. Il rêve alors d'un très grand voilier, un 4-mâts monocoque gigantesque de 72 mètres manœuvrable par un seul homme. Une cathédrale des mers, comme il le dit lui-même, de la taille d'un Boeing 747. Colas le marin se transforme en Colas l'ingénieur. Il se tourne vers la presse quotidienne régionale avec laquelle il conclut un accord d'exclusivité, s'il vous plaît. Ensuite, il convainc Gilbert Trigano, patron du Club Méditerranée, de financer le projet. En échange, le bateau portera aussi le nom du célèbre club de vacances et de rencontres à l'époque. Fort de son succès, Alain Colas fait entrer la voile dans la modernité. Il profite à fond de son image pour sponsoriser ses futurs exploits et financer ses projets. À l'aise devant les caméras, il prend plaisir à raconter la mer et à décrire ses exploits. Il gère la communication comme personne. Tabarly a démocratisé la voile, Colas la professionnalise. Une attitude qui pourtant agace dans le petit monde nautique français. Ce qui vaut autant pour la personnalité de Colas que pour son projet. Comme l'exprime Éric Tabarly, à mots à peine voilés. Pour cette transat, on dit qu'Alain Colas est en train de préparer un Boeing des mers. Qu'en pensez-vous? C'est un très grand bateau, c'est une expérience intéressante. Je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin de 71 mètres? J'en suis pas très sûr. cause toujours, Alain Colas n'écoute pas, il avance. Mais alors qu'il mène de front l'entraînement pour la course de 1976 et la construction de son voilier, un événement dramatique brise son élan. Le 19 mai 1975, pendant une sortie en mer avec des proches, au moment de revenir au port, Manureva va trop vite. La grand voile est bloquée, impossible de ralentir le bateau. Colas jette l'ancre pour arrêter. Ce bateau est là. Là, c'est le drame. À l'hôpital, à peine sorti de l'opération, il raconte. Vous avez fait une fausse manœuvre, personnellement, vous en êtes conscient? Oh oui. C'est une manœuvre qu'on fait des centaines, sinon des milliers de fois à bord d'un bateau. Et j'ai pas fait attention que j'avais mon pied de pris dans une glaine de filin. Et le pied est parti avec. J'avais mon couteau avec moi, j'ai pu sectionner à temps. Ce qui fait qu'il restait encore des petits bouts qui collaient au pied. Alors ça m'a laissé espoir que ce soit recollé. La transatlantique, prochain objectif quand même? Oh, je vais m'accrocher, je ne vais pas en rester là. Pendant 10 mois, Alain Colas subit une vingtaine d'opérations. Il parvient à sauver son pied de l'amputation. Depuis son centre de rééducation, il supervise la construction du club méditerranéen qu'il adapte à sa nouvelle condition, mais dont il conserve les dimensions gigantesques. Il reprend aussi l'entraînement. Le 15 février, il est au lancement du club méditerranéen en rade de Toulon. La presse et le public sont là pour assister à la mise à l'eau du monstre des mers. Et le 5 juin 1976, il est au départ de la Transat anglaise, un an à peine après son terrible accident stupéfiant. Mais il faut dire que pour rien au monde, il ne pouvait manquer ça. D'autant que Rita Barley participe aussi à la compétition. Pour la première fois, les deux hommes s'affrontent. La course est lancée. Cette fois, sur le trajet, les éléments sont déchaînés. 5 dépressions d'une extrême violence s'abattent sur les participants. Dans le dernier quart de la course, Alain Colas intercepte une information radio sur la position de Tabarly. Colas est devant, mais ses voiles sont très abîmées. Il décide de faire une halte à Terre-Neuve pour les réparer. Normalement, le retard de Tabarly lui permet cette escale. Il repart 36 heures plus tard. Le 29 juin 1976, il arrive à Newport, mais 7 heures trop tard, 7 heures seulement après Tabarly. Ce dernier réalise le premier doublé de l'histoire de la course, 12 ans après son premier succès. À l'arrivée, Alain Colas cache difficilement sa déception. On se prend à regretter qu'à tel moment ou à tel moment, on n'a pas fait ci ou trop fait ça, mais c'est une belle course. Je pense qu'il s'est défoncé. Moi, de mon côté, j'ai mis le paquet. Il est devant, ça aurait pu être moi. Prochain coup, on tâchera de faire que ce soit l'inverse. Et de toute façon, je détiens toujours leur corps. Et dans 4 ans, Eric, il sera cinquantenaire. Et moi, j'aurai eu 4 ans de récupération sur ma jambe. Alors je crois que quelqu'un traversera en moins de 18 jours et je ferai en sorte que ce soit moi. Aïe. Pour Alain Colas, le coup est dur à encaisser. Il mettra du temps d'ailleurs à penser ses plaies physiques et morales. Avec cette défaite, ce sont aussi les problèmes financiers qui arrivent. Il faut trouver un moyen de rentabiliser le club méditerranéen. Alors, comme il l'a toujours fait, pour rebondir, il se trouve un nouveau défi. Ce sera une nouvelle course, la route du Rhum. Avec son vieux compagnon, celui de tous ses succès, bien sûr, Manureva. Ce sera aussi son dernier voyage. À main nue, les ruines de ton désir. Je prendrai l'Atlantique, les Antilles, l'Amérique. Si pour nous tu veux la France, moi je nagerai en silence. Moi je nagerai en silence. J'ai encore un peu bu toutes les promesses que tu faisais. Des requins en robe longue, des idylles. ville qui passe. Je ne crains pas le naufrage si c'est pour retenir notre amour en voyage, mon unique navire. Mon unique navire. Ce que je crains aussi, bien sûr, c'est comme tous les solitaires, le risque de passer par-dessus bord et d'avoir personne pour vous repêcher. Pour passer par-dessus bord et voir le bateau qui s'éloigne, c'est la hantise de tous les solitaires. On fait tous ce cauchemar-là un jour ou l'autre la nuit. Après l'échec de la Transat anglaise en 1976, Alain Colas prend du recul. Pendant qu'Éric Tabarly remonte sur les Champs-Élysées, auréolé de son titre de gloire nationale, Alain doit trouver un moyen de rentabiliser le Club Méditerranée. C'est ainsi que l'opération Bienvenue est lancée. Il fait le tour des ports français et organise des visites sur son bateau. Il donne des conférences partout dans le pays pour transmettre sa passion et raconter ses exploits. Alain Colas, homme d'affaires aussi. Ceux qui le connaissent bien ne s'y trompent pas. Il a changé, moins enthousiaste, plus renfermé. Mais l'envie d'en découdre avec la compétition le rattrape rapidement. Il l'a souvent dit et répété d'ailleurs, 4 ans entre chaque transat anglaise, c'est beaucoup trop long. Le public a soif de nouvelles épreuves. Les Français doivent avoir la leur. Le vœu d'Alain Colas est exaucé en 1978. En novembre de cette année-là, le publicitaire Michel Etevenon, avec l'Union nationale de la course au large et le journal L'Équipe, lance la première édition de la Route du Rhum. Départ de Saint-Malo, arrivée à Pointe-à-Pitre. Alain Colas décide d'y participer. Club Méditerranée est occupé à faire le tour du monde, il partira donc avec Manu Reva. Le bateau a 10 ans, il a un peu vieilli, mais il le retape et il est fin prêt pour prendre le départ. Pendant la course, il est en contact avec RMC pour intervenir tous les jours en direct. Après une dizaine de jours de course, le 16 novembre 1978, il prend la parole. J'ai vraiment retrouvé le contact avec Manu Reva. Maintenant, chaque geste s'enchaîne bien. Le pied se pose au bon endroit. La main, l'épaule, s'appuie là où il faut. Je mène Manu Reva de façon beaucoup plus pondérée, beaucoup plus intériorisée. Et je crois que le bateau apprécie. Et je pense qu'en ce moment, on fait de la très bonne route. Bonjour à toute l'équipe, au revoir. Comme pour toutes les transats atlantiques, les marins ont au départ de la course trois options. Soit ils contournent les Açores par le nord pour redescendre ensuite vers les Antilles, soit ils passent tout droit à travers l'archipel, soit ils piquent au sud pour profiter des vents alizés et remonter ensuite. Les deux premières options sont plus courtes en distance, mais les vents contraires favorisent les monocoques. La troisième, elle est plus longue, mais en vent arrière, elle profite aux multicoques, plus légers, plus rapides dans ces conditions. Manu Reva appartient à cette seconde catégorie. Mais au fil du temps et des tours du monde, Alain Colas en a fait un objet hybride, capable d'affronter les vents contraires. C'est l'option qu'il choisit pour cette course. D'ailleurs, ce 16 novembre, à la radio, il affirme que tout va bien. Il est dans le groupe de tête. Pourtant, c'est le dernier appel d'Alain Colas. Et depuis, silence radio. La course se poursuit. Les jours défilent, on est toujours sans nouvelles du navigateur français. Le 28 novembre, à l'arrivée à Pointe-à-Pitre, le final de la course est à couper le souffle. Michael Birch et Michel Malinowski sont au coude à coude dans les derniers mètres. Sur le fil, c'est l'Anglais qui remporte la course pour 98 secondes. Rendez-vous compte, 98 secondes après 23 jours de traversée. Mais à peine arrivés, les deux champions ne savourent pas. Ils ont le visage marqué et témoignent de l'inquiétude qui grandit au sujet d'Alain Colas. Comme en témoigne Michel Malinowski. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Quant à moi, j'ai essayé d'appeler pratiquement tous les jours à la radio Alain Colas pour avoir de ses nouvelles. Et en fait, depuis les Açores, c'est-à-dire depuis le premier tiers de la course, je n'ai aucune nouvelle de ce bateau. Mes camarades non plus par ailleurs. Souvent, quand on est bien placé, on ne dévoile pas sa tactique pour essayer de surprendre l'adversaire et de passer devant lui. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisqu'il n'est toujours pas arrivé. Hein. D'autre part, Alain Colas est un garçon qui parle souvent à la radio et automatiquement, à partir du moment où il y a le silence total à ce niveau-là, je pense qu'il se passe quelque chose quelque part. Grâce à Michel Malinowski, on en sait un peu plus sur les conditions de la course, notamment au moment du dernier appel d'Alain Colas. Le lendemain, il devait entrer dans une dépression creuse, un temps à garder bateaux et plaisanciers normaux au port. En pleine mer, des creux de 6 à 7 mètres se forment. Avec le vent portant, d'une force terrible, les bateaux atteignent des vitesses impressionnantes. Malinowski raconte, son monocoque filait à 18 nœuds, le triple de la moyenne en tête de la course. Alors imaginez le multicoque Manureva, plus léger et donc forcément plus rapide. À Pointe-à-Pitre, Jean-François Colas, le frère d'Alain, qui l'attend à l'arrivée de la course, s'inquiète. Quand il voit arriver les premiers concurrents, il sait que quelque chose cloche. Son frère connaît la course, il a déjà remporté une transatlantique. C'est l'un des favoris, il aurait dû arriver dans les premiers. 24 heures après l'arrivée de Malinowski et Birch, les proches de Colas lancent l'alerte. Alors il faut organiser des recherches officielles. Et l'information, bien sûr, fait l'ouverture des journaux télé. Messieurs, bonsoir. Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas, qui n'est toujours pas arrivé à Pointe-à-Pitre, mais cette fois, disons-le, on a vraiment peur pour lui. Le brigat atlantique de la Marine nationale est revenu bredouille de sa mission la nuit dernière. Une certitude, il est arrivé quelque chose, et peut-être quelque chose de grave. À partir du 29 novembre 1978 commence l'attente, interminable. À mesure que les concurrents arrivent à Pointe-à-Pitre, l'angoisse remplace vite l'espoir. Personne n'a croisé Manureva, personne n'a eu d'échange avec Alain Colas. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On évoque plusieurs hypothèses, panne de radio, collision avec un cargo, tempête, il a dématé, son bateau s'est renversé, ou il a carrément sombré, il dérive sur un pneumatique de sauvetage. Le vide est l'ennemi de la raison. Alors rapidement, les hypothèses se transforment en rumeurs. C'est d'abord l'état du marin et de son embarcation qui sont mis en cause. Alain Colas devait-il prendre le départ de cette course alors que son pied était toujours dans un état préoccupant ? Après sa grave blessure de 1975 et malgré de nombreuses opérations, il n'a jamais réussi à totalement récupérer. D'ailleurs, chaque jour, il devait refaire son pansement en pleine course. Et puis, Manureva, était-il vraiment apte à reprendre la mer pour une course si difficile ? Face à ses suspicions, Jean-François Colas monte au créneau. Il a lui-même supervisé avec son frère la réhabilitation du bateau. Tous les tests ont été faits. Et puis Alain était en forme, plus motivé que jamais. Le bateau et son capitaine pouvaient partir. En plus de ces sourdes critiques, les rumeurs les plus folles naissent. Pourquoi ne trouve-t-on ni trace du bateau, ni de son capitaine ? Est-ce qu'il n'aurait pas disparu volontairement, lui qui détiendrait le titre peu enviable de marin le plus endetté de France ? Les rancœurs d'hier s'invitent alors dans les débats. La personnalité d'Alain Colas, qui en agaçait plus d'un, laisse libre cours à certaines remarques acerbes. Il était casse-cou, trop sûr de lui, prenait trop de risques. Pendant ce temps, les recherches continuent et les faux espoirs s'accumulent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On a peut-être localisé Alain Colas. À partir de maintenant, traduisez au conditionnel tout ce que je vais vous dire. Un radioamateur des Açores aurait capté un message dans la nuit. Ici Manureva, suit en difficulté, demande assistance. Message de détresse donc, suivi d'une position très proche de la dernière position de Colas repérée il y a plus de 15 jours. Donc, le navigateur serait en très grande difficulté. Un deuxième radioamateur, celui-là américain, a confirmé le message. Oui, voilà maintenant qu'on me dit que les fréquences qu'a captées le radioamateur ne correspondraient peut-être pas aux fréquences du poste de Colas. On en est là pour l'instant. Le lundi 4 décembre, la Marine nationale lance le plan Sekmar. Des brigades atlantiques survolent l'océan à partir du dernier appel d'Alain Colas et des possibles trajectoires suivies. Plus de 450 heures de vol, 36 missions pour couvrir une zone de 5 millions de kilomètres carrés, 10 fois la surface de la France. Mais rien n'y fait, pas la moindre trace d'Alain Colas ou de Manu Reva. L'océan rappelle son immensité. Le dernier concurrent finit par arriver plusieurs semaines après les premiers, mais lui non plus n'avait pas été repéré avant d'arriver. Alors, pourquoi pas Colas, Un jour, c'est un cargo allemand qui aurait reçu un message. Un autre, une question restée en suspens, fait la une de l'actualité. Sa balise de détresse obligatoire était restée à quai. Un oubli. Semaine après semaine, les recherches diminuent en intensité. De plusieurs vols quotidiens, on passe à 3, puis 1. L'affaire devient politique. Même François Mitterrand, le premier secrétaire du Parti Socialiste à l'époque, prend la parole. Il faut l'aider. Alain Colas, c'est un des plus beaux exemples pour la jeunesse française. C'est un homme de l'effort, du courage et de la compétence. J'ai donc insisté très vivement auprès du Premier ministre pour qu'il accroisse les secours actuellement engagés au lieu de les diminuer, comme c'est le cas depuis 48 heures. Vous ne craignez pas que l'intervention du premier secrétaire du Parti Socialiste dans cette affaire n'apparaisse à certains comme démagogique ? Oh, écoutez, je suis surpris que vous me posiez cette question. Elle n'est pas digne. Je connais personnellement Alain Colas et sa famille. Et l'ami qui intervient, alors ? C'est à la fois l'ami, bien entendu, mais aussi le responsable qui entend que tout soit mis en œuvre pour sauver, s'il est possible encore, un homme en péril, je le répète, et cet homme s'appelle Alain Colas. Finalement, le 27 décembre, un mois et demi après le dernier appel radio d'Alain Colas, le ministère de la Défense annonce l'arrêt officiel des recherches. Sa famille gardera longtemps espoir. Le deuil est toujours plus long pour ces disparitions soudaines. Et puis, avec le temps, l'espérance se transforme en souvenir, parce qu'il n'y a pas le choix. Le 16 novembre 1978, à 4h du matin, entre 36 degrés de latitude nord et 35 degrés de longitude ouest, Alain Colas est parti pour une régate éternelle. Il laisse derrière lui sa femme Thera et ses 3 enfants. Il avait 35 ans. Homme pressé, il a écrit les premières pages de la course moderne à la voile. À force de courage et d'invention, il l'a porté vers une nouvelle ère. Le dicton dit qu'il y a 3 sortes d'hommes. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Sans aucun doute, avec Manu Reva, Alain Colas rejoint ses héros qui peuplaient les contes et légendes de sa jeunesse, ceux de la mer, en solitaire. Manu Reva. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la disparition d'Alain Colas et c'est son frère Jean-François Colas qui est notre invité. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous nous parlez d'Auxerre, dans les studios de France Bleu. Auxerre, il reste de votre frère, évidemment, un souvenir public très fort, une forte personnalité. Bien sûr, une disparition qui en ajoute, hein, forcément, au mythe. Ben, pour vous, le souvenir est encore plus fort, puisque c'est votre frère, on fait difficilement plus proche. Mm-hmm. Et puis, il y a cette chanson qui est toujours aussi belle à entendre et qui nous rappelle toujours Alain Colas. Alors, la première question que je vais vous poser est celle que le public se pose depuis 1978, sans bien sûr avoir de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? On a dit tellement de choses concernant cette disparition. Oui, tout est toujours plausible. Hein. La collision avec un objet flottant type container ou la collision avec un cargo est toujours possible. Mais ce qu'a expliqué Michel Malinowski précédemment, Alain avait course gagnée après avoir franchi les Açores, puisque il allait rentrer dans une zone de vent portant, et là, il avait fait jeu égal avec les monocoques sur la route du Nord, sur la route la plus courte, et là, il allait pouvoir, grâce à la vitesse de son bateau, et puis cette arme secrète qu'il avait à bord, on avait mis un spinnaker, une voile d'avant de près de plus de 300 mètres carrés, et là, il allait pouvoir exprimer toute la vitesse du bateau. Et je pense que dès qu'il y a eu ce vent portant qui est arrivé, il a dû mettre ce spinnaker et là a commencé à aller très très vite. Et comme vous l'avez expliqué précédemment, il y a eu cette dépression, ces vagues de l'avant formées de l'avant extrêmement fortes. Et ça, j'ai vérifié après la course dans les livres de bord des bateaux qui étaient au voisinage de Manureva, et tous indiquent bien qu'il y avait une mer extrêmement formée de l'avant, et le vent est arrivé très fort, un vent arrière où le bateau aura pu aller vraiment très vite et voir se planter dans une vague et casser un des flotteurs. Donc victime des éléments, en fait. Accident de course dramatique, parce que on a dit tellement de choses, des rumeurs, voilà, il était endetté, donc il aurait disparu sur une île, enfin je sais pas quoi, tout y est passé. Ça vous a blessé, ça, vous? Comment vous l'avez ressenti? Pour moi, je faisais pas attention à ça. C'est tellement grotesque, connaissant Alain. Et Alain, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans l'entreprise et dans le partage et dans Alain n'a jamais caché ses positions. Il a toujours cherché à partager. D'ailleurs, dans cette course, il est avec Radio Monte Carlo tous les jours. Il appelle et il explique la marche du bateau. Il donne sa position. Et ce qu'il veut, c'est faire marcher le bateau au meilleur de ses possibilités. Et pour ça, arriver, si possible, en tête. Alors, on l'a raconté, hein, c'est amusant parce que donc vous êtes deux marins d'ailleurs, votre frère, mais vous aussi, et vous venez de la Terre, hein, de la région de Bourgogne, c'est ça, Clamecy précisément, non, c'est votre... Oui, tout à fait. Oui, Clamecy, c'est en Bourgogne, dans la Nièvre, à quelques encablures d'Auxerre et de Dijon. Alors, ça a marqué une différence par rapport aux marins qui sont souvent bretons, qui sont nés avec la mer comme environnement naturel. Est-ce que dans le milieu des marins, c'était une distinction qui pouvait lui porter préjudice ou non? Ou au contraire, c'était un bonus, c'était voilà quelqu'un de différent? Je ne sais pas. Moi, lorsqu'Alain est arrivé en 72 en France pour participer à la transatlantique, j'ai abandonné mon travail dans l'entreprise. Mon père et mon épouse ont pris la suite et j'étais vraiment il fallait que je rejoigne Alain et que je l'aide à préparer le bateau, car à ce moment-là, il y avait pas d'aide, aucune sorte. Partout, Alain avait envoyé tout au long de ces années précédant l'arrivée pour être au départ de la Transat. Il avait écrit à énormément d'entreprises, de médias pour exprimer quel était ce fabuleux bateau Open 8-4, quelles étaient ses possibilités de vitesse. Et là, ça a été le désenchantement lorsqu'il est arrivé en France. Ça n'intéressait personne. Et on lui disait gentiment, vous savez, les navigateurs en solitaire, on sait le jour où ils partent, mais après, ils donnent plus de nouvelles. Et c'est très rare lorsqu'ils renvoient l'ascenseur. Donc, voilà dans quel état il se trouvait psychologiquement au départ de la Transat. Bon, alors il y a la rencontre, on redéfine un peu sa vie, hein. La rencontre évidemment décisive avec Tabarly, ils sont associés, marins sur le même bateau, puis après il y a une rivalité qui commence à poindre. Vous l'avez senti cette rivalité, comment vous parlait-il de Tabarly ? Alain a toujours évoqué Eric Tabarly avec beaucoup de réflexion, de gentillesse. Il lui était très reconnaissant de lui avoir appris le métier. Alain me parlait toujours de ce métier de la voile. Et puis c'est dit, si l'élève peut dépasser le maître, c'est bien aussi, non ? Il y avait de ça ? Non, ça a été un enchaînement. Alain a toujours été dans l'action depuis son adolescence et toujours envie d'aller de l'avant. Et c'était devenu logique. Et lorsque j'ai une anecdote, je me souviens parfaitement du jour où il a pris la décision d'acheter Penduic 4. Il me téléphone en me disant, écoute, c'est extraordinaire. Il était à Hawaï à ce moment-là. Il venait de faire avec Eric la course San Francisco Honolulu, et en arrivant à Hawaï, Alain voit Eric écrire sur un panneau à vendre et mettre ce panneau en pied de mât. Ça immédiatement, ça n'a fait qu'un tour dans sa tête, et il a dit, Eric, je suis acheteur, laisse-moi le temps de trouver un financement, et laisse-moi un mois et j'arrive. Alors vous participez, allez-y, continuez. Oui. Continuez. Et donc, et pour terminer cette anecdote, Alain me téléphone, m'explique cela, il me dit, écoute, j'ai vidé mon compte en banque, j'ai fait un chèque, j'ai vidé mon compte en banque d'Australie, et envoie-moi de l'argent pour prendre un billet d'avion, et il faut que je retourne en France pour trouver le complément de financement. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé un crédit qui n'était pas suffisant, mais pour l'ensemble de l'achat du bateau, mais il a trouvé un accord complémentaire avec Eric pour pouvoir échelonner des mensualités par la suite. Bon, puis il y a ses articles aussi, hein, ses descriptions, la médiatisation de sa passion pour la voile. D'ailleurs, on va l'écouter. On va écouter une archive où précisément il décrit sa passion pour la voile et puis toutes les raisons. C'est une sorte de pigiste navigateur de luxe. Bon, navigateur avant tout, mais enfin pigiste un peu aussi. C'est justement ce qui donne sa profondeur de champ au sport de la voile, parce que c'est non seulement l'activité physique où on peut se défoncer, se dépenser sur une régate, qu'elle soit dans une baie côtière ou transocéanique, c'est la même chose, hein, c'est le même esprit de course, d'améliorer, d'aller plus vite. Même en solitaire, on court contre la montre, contre des records anciens, mais contre quelque chose où on essaie d'améliorer. Mais dans le même temps, c'est aussi tout un art de vivre, où on peut laisser le temps couler, l'apprécier pleinement, se retrouver en unisson avec les choses de la nature et de la mer. Et ça, c'est, je crois, ce qui donne sa véritable justification au sport de la voile. Alors, on dit que Eric Tabarly a démocratisé la voile et que votre frère l'a modernisé, notamment par la communication. Vous avez aussi cette image-là de votre frère. Il a modernisé la voile. Avec lui, il y a eu un tournant. Je ne sais pas s'il y a eu un tournant. Enfin, Alain avait cette conviction de faire partager ce qu'il vivait à bord de son bateau, et c'était aussi le moyen de pouvoir vivre son rêve, vivre ce rêve d'aller sur mer et de pousser les horizons et de faire naître de nouvelles terres. Alors, il y a aussi, parce qu'il avait plusieurs talents, le côté ingénieur. Vous avez participé avec lui à la reconstruction de Penwick en Manureva, à la conception, construction du club Méditerranée. Comment ça se passait? Au départ des 72, eh bien tous les deux on s'est mis à tout démonter sur Penwick 4. Là il y avait pas beaucoup d'aide, hein, il y avait pas grand monde avec nous, hein. Et c'était un travail de tous les jours, et j'entendais avec cette brune ce crachin breton qui nous tombait dessus et nous transperçait les os, et j'entendais toujours Alain qui grommelait à l'école, une transat ça se mérite à l'école. Et ça, c'était quelque chose qui était en lui. Je savais qu'il allait gagner. C'était forcé. Allez-y. Oui, et plus tard, après la Transat, eh bien, il y a eu ce flash de faire le tour du monde, parce qu'il y avait une course qui allait être organisée de 73 à 74, partant d'Angleterre et en plusieurs étapes, le Cap de Bonne-Espérance, Sydney, Rio et l'Angleterre. Et Alain a fait sa demande pour participer à cette course, qui lui a été refusée, car les Anglais, les organisateurs, estimaient qu'un trimaran était un engin beaucoup trop dangereux. Alain a pris la décision, puisque c'est trop dangereux, moi je vais partir et je le ferai seul, je ne ferai pas prendre de risque à un équipage, je le ferai seul et sur les traces de Sir Francis Chichester entre l'Europe, l'Australie et l'Europe. Et pour ça, on a transformé Penwick 4 en Manureva, l'oiseau du voyage, en tahitien. Et comme le disait Alain, on l'a capornisé. On lui a donné cette possibilité de pouvoir se relever, surfer sur les vagues. À cette époque, on ne savait absolument pas comment le bateau allait pouvoir se comporter dans les hautes latitudes. Il n'y avait pas de référence. Très peu de marins en solitaire était passé dans ces eaux. Il y avait Utchebla, Chichester, mais pas avec des bateaux aussi rapides. C'est avec on emploie souvent le mot de Formule 1 des mers, et Penwick 4 était la première Formule 1 de mer. Hein. Et Manureva, parce qu'après il y a eu une polémique, on l'a dit aussi dans le récit, hein, que le bateau n'était pas tout à fait prêt ou adapté à la course, la route du Rhum. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous avez répondu à ça à ce moment-là? Parce que c'était assez acerbe quand même comme polémique, hein. Oui. Ben, à l'époque, Alain avait beaucoup d'amis, mais avait aussi beaucoup de détracteurs pour des tas de raisons, les plus ou moins, les plus, mais plus les des tas de mais plus médiocres les unes que les autres. Le bateau, à cette époque, en 78, il avait déjà 6 années depuis sa construction, hein, depuis 72. C'est de l'aluminium qui, effectivement, peut avoir des problèmes d'électrolyse, donc de vieillissement. Mais on avait vérifié les 4 compartiments étanches de la coque principale, les 5 compartiments étanches de chaque flotteur. On avait fait le test de la bulle de savon, c'est-à-dire mettre de l'eau savonneuse sur la coque et puis envoyer de l'air sous pression pour vérifier s'il n'y a pas des bulles qui apparaissent. On avait renforcé les différentes liaisons. Enfin, le bateau était prêt pour la course. Donc c'est un argument que vous réfutez, quoi. Le bateau pas prêt, c'est pour ça qu'il y a eu un accident, ça vous le réfutez aujourd'hui encore. Le bateau était prêt, mais après c'est les circonstances les circonstances de la mer, hein, les circonstances d'une tempête, d'une énorme vague qui peut tout retourner. Ça tout peut arriver en mer, hein. Sa blessure, il a évidemment mal vécu, évidemment qu'il l'a mal vécu, mais qu'est-ce qu'il vous disait? Comment vous étiez à son chevet pendant sa blessure? Racontez-nous ces mois quand même, qui ont dû être vraiment très durs. À la fois parce qu'il y avait une blessure et puis il y avait la peur de ne pas pouvoir reprendre, peut-être. Oui, pas exactement ça. Je vais vous raconter une autre anecdote. Lorsqu'avec mes parents, lorsqu'il y a eu l'accident, immédiatement, avec mes parents, nous sommes allés à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, où Alain avait été accueilli pour être opéré. Et il venait de subir des heures d'opération, et on était là à son réveil. Et là, maman s'est précipitée vers lui, elle a dit « Mon pauvre Alain, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Alain a dit « Écoute maman, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, je vais t'expliquer l'accident et ce qu'il a raconté. Mais après, il y a un bateau à construire et un homme à reconstruire. Et c'était fini, on n'a plus jamais parlé de l'accident. » C'est un nouveau départ, presque. On se reconstruit un bateau et on se reconstruit le pied. Hein. Oui, alors, oui, tout à fait. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Vous avez dit, oui, il a été critiqué pour des raisons les plus médiocres les unes que les autres. Moi, je me souviens, j'ai un souvenir de votre frère qui apparaissait comme quelqu'un de moderne. Il avait aussi ce look jeune. On s'identifiait, nous, quand on était jeunes, on s'identifiait beaucoup plus à lui qu'à Tabarly, qu'on admirait aussi, mais pour d'autres raisons. Et la place de votre frère dans ce sport est importante aussi pour sa personnalité. Alors, en à peine 10 ans, il a réalisé des exploits considérables. Hein, ça, c'est admis, évidemment. Et alors, il dénotait dans le milieu de la voile, vous l'avez dit. On va écouter ce qu'en pense, c'est intéressant, hein, Olivier de Kersauzon, qui est lui aussi un autre navigateur avec une grosse personnalité, qui voit peut-être encore plus largement que l'horizon de la mer, qui a une vision du monde un peu comme votre frère, et il raconte l'originalité d'Alain Colas, justement. Nous, on n'était ni très ouverts, ni très chaleureux, enfin, on faisait du bateau, on aimait bien ce métier, en fait, le reste du monde ne nous intéressait pas, donc que quelqu'un qui soit extérieur à notre clan, à nos rêves, en fait, s'intéresse à nous, ça nous gênait un peu, c'était un peu perturbant. Mais pas gênant, mais perturbant, c'était différent, c'était un peu un parisien pour nous, mais au sens quelqu'un qu'on connaît pas, qui vit pas avec nous, avec lequel on peut pas avoir de souvenirs ni de point de référence, vu que nos points de référence se situaient au niveau des bateaux, essentiellement, uniquement, et des courses, et de ce milieu dans lequel on vivait pour faire que ça, pour être complètement immergé dans le milieu maritime. J'ai assisté à une conférence de Colas, mais... Il parlait d'une mer que moi je connaissais pas, mais peu importe. J'aurais jamais pu raconter ce qu'il racontait, mais il transmettait. Il transmettait son émotion, ses joies, ses difficultés. Il le faisait de façon bien. Tu sais, les gens ne se trompent pas, le public et les gens qui viennent dans une salle et qui écoutent quelqu'un qui parle. S'il n'est pas authentique, il peut aller se faire jeter. Hein. Et bien là, je veux dire, ça passait. La salle, elle écoutait, mais tu aurais entendu un notaire voler. Hein. C'était le silence total et tout. C'était génial. C'est intéressant ce que dit Kersauzon, parce c'est tout en paradoxe, hein, d'où les marins, voilà, on pense qu'à la mer. Mais en même temps, c'est vrai que quand Alain Colas parlait de la mer, on pouvait aussi penser à autre chose. Il y avait des métaphores de la vie, quand il parlait de la mer, de la nature, l'homme avec la nature. Cette dimension était importante quand même chez lui, hein, la dimension de l'homme, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alain avait cette ouverture d'esprit et cette générosité de vouloir partager ses rêves, partager ce qu'il faisait et de le faire avec ses moyens. Ses moyens, c'était celui d'un étudiant qui était devenu maître de conférence en littérature et fallait qu'il partage, fallait qu'il ce qu'il vivait, fallait qu'il le restitue, qu'il leur donne. Et s'il a pu réussir à réaliser ce rêve d'un quatre-mâts de 72 mètres, qui était un rêve qu'il avait en lui depuis des années, eh bien c'est parce que le grand public l'avait suivi. Et donc fallait qu'il restitue et qu'il redonne ce qu'il devait au grand public. Et il en avait conscience, ça, de l'image qu'il avait auprès des gens, et je le répète, auprès des jeunes. Oui, je pense. Il a, lors de l'accident, pendant les 10 mois qu'il a été avec les pieds embrochés, avec sa jambe retenue sur son lit de douleur, il recevait des dizaines et des dizaines de lettres chaque jour, des dessins. C'était des encouragements de tous les milieux, d'école depuis l'école maternelle jusqu'à des gens comme Georges Brassens. province, voilà, des personnalités qui venaient lui témoigner de leur encouragement pour qu'il continue et que le grand bateau existe. Voilà, vous portez le nom Jean-François Collat d'une personne qui était importante dans les années 70 et je tiens à vous remercier pour votre témoignage. Au revoir. Je vous remercie. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la disparition d'Alain Collat, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.